Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase. C'était de la fureur et c'était de l'extase. Un des enfants revint, apportant un pavé, pesant, mais pour le mal, aisément soulevé, et dit « Nous allons voir comment cela va faire. » Or, en ce même instant, juste à ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd. Cet âne, harassé, boiteux et lamentable, après un jour de marche, approchait de l'étable. Il roulait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait, battue, exténuée. Les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Il avait dans ses yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui peut-être est stupeur. Et l'ornière était creuse, et si pleine de boue, et d'un versant si dur que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait geignant, et l'ânier blasphémant. La route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas.